Mother, mother, accongiti se libater. Lì avemo Mary, lì avemo Perry, lì avemo non gaita. Je regardais à l'horizon, je ne me posais pas ces questions. Foule philosophique, foule métaphysique, juste un petit peu d'émotion. Sur le pourquoi les garçons, sur le cul et les tétons, sur le dos de la situation. Little bit comique, un petit peu pathétique, je portais encore le pantalon. Mother, mother, quand j'étais célibataire, il y avait ma mère, il y avait mon père, il y avait mon anguita. Je suis plus célibataire. Il y a ma belle-mère, il y a mon beau-père, il y a son nom déjà. Ah oui, mon nom est un travailleur au gouvernement. Quand il a rencontré son beau régime, un body atomique, des cheveux magnifiques, gracieux comme un papillon. Mon nouveau menon régent avait une liasse dans le vin, me l'a présenté droit sur le champ. Une sorte de Moby Dick, une créature magique, je me voyais sous son jupon. Mandeur, mandeur, quand j'étais célibataire, il y avait ma mère, il y avait mon père, il y avait mon anguita. Je suis plus célibataire. Il y a ma belle-mère, il y a mon beau-père, il y a son manon déjà. J'étais célibataire. Il y avait ma mère, il y avait mon père, il y avait mon anguita. Mother, mother, star, je suis plus célibataire. Il y a ma belle-mère, il y a mon beau-père, il y a son nom déjà. Il y a ma belle-mère, il y a mon beau-père.